Le dirigeant suprême de notre parti, de notre État et de notre armée, Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, a assisté aux épreuves de ski Massignon 2016. Y ont figuré les cadres responsables du parti et de l'armée comme Fang Byung-soo et Choi Ryong-hae, les présidents du parti pour toutes les provinces, ainsi que les habitants. Aux épreuves de slalom, de saut, de slalom géant et de descente, ont pris part les clubs sportifs Maebongsan de l'armée populaire de Corée, Sazabon de la province du Liangang, Changjasan de la province du Jagang, Gwanmobon de la province du Hamgyong du Nord et Songchungang de la province du Hamgyong du Sud. Le dirigeant suprême a tout d'abord écouté le rapport du ministre de Sport Kim Il-gu sur le plan des épreuves et les préparatifs des skieurs avant d'assister aux épreuves de ski. Tout d'abord, il y a eu le slalom consistant à classer les skieurs en mesurant leur temps. Séparés de 6 à 15 mètres de distance, ils doivent franchir l'un après l'autre des dizaines de portes de contrôle sur la piste de 600 mètres avant de passer la ligne d'arrivée. L'atmosphère du terrain de jeu a été rehaussée d'un cran par le commencement des sauts. Le classement est décidé par mesurage de la distance de vol des joueurs qui, après leur départ, descendent la piste droite des dizaines de mètres. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dit que chez nous, l'association de ski a été fondée en janvier 1949 et qu'elle a adhéré en 1965 à la Fédération internationale de ski grâce à la mesure perspicace et à la direction clairvoyante du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Il a souligné de porter le plus tôt possible le ski au niveau mondial, conformément à l'intérêt public croissant en ski et à son développement technique à l'échelle mondiale, pour remporter dignement la victoire aux épreuves internationales. Le slalom géant aussi s'est déroulé de façon acharnée. Le classement était décidé par les temps des skieurs qui doivent tourner sans faute des dizaines de paires de portes installées sur la piste de 600 mètres, tous les 4 et 8 mètres en large et 10 mètres en long pour passer la ligne d'arrivée. Finalement, il y a eu la descente, apogée des épreuves de ski. Regardant la descente explosive des joueurs, le dirigeant suprême a apprécié très impressionnant les skieurs braves. Il a dit « À travers les épreuves de ski de nos joueurs, je me suis convaincu qu'avec de gros efforts à la discipline de ski qui cultive le courage et l'audace, améliore la promptitude et développe le corps sur tous les plans, la popularisation du ski et sa pratique dans la vie quotidienne, on peut bel et bien former les as de ski d'ordre mondial. » Le dirigeant suprême a souligné que le sport joue un rôle irremplaçable pour manifester la dignité de la patrie et inspirer de la fierté et de la dignité nationale au peuple, et a présenté des tâches de valeur de programme dans le développement décisif du sport du pays. La remise de prix a eu lieu au terme des épreuves, où les skieuses et skieurs ont montré sans réserve leur technique perfectionnée en temps ordinaire et leur esprit inflexible. Choi Ryong-hae, président du comité de direction de sport d'État, a décerné la coupe et les médailles d'or au club sportif Maebongsan de l'armée populaire de Corée et aux skieurs, les médailles d'argent aux joueurs du club sportif Sazabon de la province du Yangon et les médailles de bronze aux sportifs du club sportif Changjasan de la province du Jagang.